Gros pétard, bonnet péruvien. Que s'il y a un bruit qu'on est broliqué. Ça sert à rien de me faire l'américain. Fais du duel, tu vas tout niquer. Ça me guette, tu sais pas tard, en traite. Murer la peinture, ça prend des peintures. Voleur, charbonneur, braqueur, patron. Que des grosses peintures, ça mange le pain dur. Ça me guette, tu sais pas tard, en traite. Murer la peinture, ça prend des peintures. Voleur, charbonneur, braqueur, patron. Que des grosses peintures, ça mange le pain dur. Nique les pointeurs, j'ai fait la teinture. J'ai pas la ceinture, j'aime les singes dites. Pas trop les ceintures, j'aime pas les indiques. J'm'en bois impur, j'm'en bois impur. Moi c'est l'Olympique, c'est de nature. Ça vole des motos, ça vole des voitures. Ça sent le i, s'il y a pas vu, nique sa mère l'agent. Moi j'ai pas vu, j'ai tout fait. J'ai fait des coupures où je vais les étouffer. Y'a qu'en moi-même que j'ai approuvé. J'ai pas de 44 pour le cousin. J'ai tout fait, j'ai fait des coupures où je vais les étouffer. Y'a qu'en moi-même que j'ai approuvé. J'ai pas de 44 pour le cousin. Sorti du mur, j'suis dans le vaisseau mère. Sache que pour niquer des mères, y'aura toujours des missionnaires. J'vais pas démissionner, redescends la pression. J'fais pas d'émission, j'ai fait que des sons posés à la maison. Y'a de la purée dans la boîte à temps, j'fume que de la patata. J'ai pas de bloc sous la Canada. T'entends, on claque, on t'entend. J'sais pas si t'entends le soir, le bruit des pampans. J'vois que t'es jamais content, me fais pas perdre mon temps. J'regarde jamais le montant, j'sais pas que j'ai changé mon sang. J'fume la cush, j'suis dans les restes, ouais, plaqué Dutch. Tu l'as trouvé belle, mais elle pue de la touch. Faut pas que tu t'attaches, faut pas que tu t'accroches. Je vais les étouffer. Y'a qu'en moi-même que j'ai approuvé. J'ai pas de 44 pour le cousin. J'ai tout fait. J'ai fait des coupures où je vais les étouffer. Y'a qu'en moi-même que j'ai approuvé. J'ai pas de 44 pour le cousin. J'suis dans mon dream, dream, dream. Que je fais des crimes, crimes, crimes. On boit comme un réseau, zo, zo. On boit comme un prince, prince, prince. Il vaut plus qu'un charbon celui qui compte du lodi. J'suis celui que ses potes maudissent. Y'a eu des trifs, fallait faire des maudits. Y'a la rue qui m'écoute, les parents les gothiques. J'veux pas te faire de croquis. Tu vas te prendre une patate à Rocky. T'as craqué, tu me parles de croquer. Tu sais où j'suis, si y'a qui broco. T'as fait une boulette sur le croco. Il est long, il fait 2 mètres le popo. Tu me disais que c'était un mytho, mytho. Mais en face, t'as pas les mêmes propos. Ne pleure pas chérie, j'ai pas pu gérer. Bonnet, gants, survêt, DP, c'est mieux que n'a pas pu gérer. Et merci la paire d'Asie. Et merci la peu magique. Et merci la team Jules. Et merci à ceux qui font tourner ma zik. Ironie tous et des carailles. C'est pas leur daronne qui me donne à manger ou du travail. À manger ou du travail. Tout est noir sous la raille. Beaucoup sont avec toi que pour la maille. J'ai tout fait. J'ai fait des coupures où je vais les étouffer. Y'a qu'en moi-même que j'ai approuvé. J'ai pas de 44 pour le cousin. J'ai tout fait. J'ai fait des coupures où je vais les étouffer. Y'a qu'en moi-même que j'ai approuvé. J'ai pas de 44 pour le cousin. Tu joues pas trop ta gauche. Tout est rien comme un 4-4. Frangin, c'est pas ma faute. Si tu t'agrippes qu'à des patates. PTH à la botte. J'écris mon texte avec la gratte. J'écris mon texte avec la gratte. J'écris mon texte avec la gratte. J'écris mon texte avec la gratte. J'écris mon texte avec la gratte.